Bon, alors écoute. Son œil droit regarde du côté de Brest. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Oh là là, qu'elle est méchante. Ce pauvre oncle Victor, il ne louche presque pas. Qui c'est? Oncle Victor? Pourquoi? Parce que l'oncle Victor louche un peu. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. C'est tout. Bon, à moi maintenant. Il a le nez droit. Il est toujours rasé de près. Il a même la tête rasée. Sans doute pour cacher qu'il va être chauve. L'oncle Henri, trouve-t-il ton portrait? Bon, moi maintenant. Un peu de moustache, une grande bouche, mais pas de menton. Et elle parle toujours de son mari défunt. Bon, alors écoute. Son œil droit regarde du côté de Brest. Du côté de Brest. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Oh là là, ce qu'elle est méchante! Oh là là, ce qu'elle est méchante! Oh là là! Ce qu'elle est méchante! Ce pauvre oncle Victor, il ne louche presque pas. Alors, qui sait? Alors, qui sait? Oncle Victor! Pourquoi? Parce que l'oncle Victor louche un peu. Il louche. Il louche un peu. L'oncle Victor louche un peu. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. Ses yeux ne regardent pas dans la même direction. Ses yeux ne regardent pas dans la même direction. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. C'est tout. Qu'est-ce que l'oncle Victor a de particulier? Son œil droit regarde du côté de Brest et son œil gauche regarde vers Bordeaux. Est-ce qu'il louche beaucoup? Non, il ne louche presque pas. Il est toujours rasé de près, il a même la tête rasée. Même la tête rasée. Il a même la tête rasée. Sans doute pour cacher qu'il va être chauve. Il va être chauve. Pour cacher qu'il va être chauve. Est-ce que l'oncle Henri a une barbe? Non, il est toujours rasé de près. Est-ce qu'il a les cheveux longs? Non, il a la tête rasée. Est-ce qu'il est chauve? Non, mais il va être chauve. Pourquoi a-t-il la tête rasée? Pour cacher qu'il va être chauve. Bon, à moi maintenant. Voyons. Un peu de moustache. Une grande bouche, mais pas de menton. Pas de menton.